Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est la dernière émission de l'année. De l'année, hein, pas pour de vrai, hein. Alors on va faire un pré-nouvel an avec des titres que je pense que vous allez entendre le 31. On va débuter sur un grand classique. YMCA des Village People. Alors, à moins d'habiter sur une autre planète, vous devez tous connaître. La chanson date de 1978 et est extrait de l'album Cruising. Vous allez voir, elle est toujours aussi entraînante. Prêt pour la choré ? On continue avec les classiques en la personne de Claude François. Eh oui, encore lui. Et quoi de mieux que Alexandrie Alexandra pour enflammer le dance floor. Vendue à 800 000 exemplaires, c'est la dernière chanson parue de son vivant. Et si je vous passais une version maxi pour fêter la nouvelle année ? Chiche. We'll be right back.

La suite, c'est bien sûr Give Me the Night de George Benson. Il fait lui aussi partie du panthéon de la musique. Le disque est produit par Quincy Jones qui nous a quittés il y a un peu moins de 2 mois. C'est le plus grand succès du chanteur et c'est un pur bonheur à l'écoute. Faites chauffer les pattes d'eff. Il va falloir se quitter, mais je vais vous passer un dernier morceau. Un truc que j'aime bien, c'est And the Beat Goes On des Whispers. Un morceau très entraînant, sorti en 1980. Il est idéal pour vous préparer pour le réveillon du nouvel an. Sortez les boules à facettes et poussez les tables. Je vous garantis une de ces ambiances. En attendant, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Et bonne année par avance. Bye bye. Thank you.

still